Chapitre 3e. L'eau du golfe continuait de miroiter et de bleuir, les îles de dresser leurs falaises violettes sur l'horizon sans nuages, les montagnes de développer leurs molles, leurs voluptueuses lignes, les fleurs d'exhaler leurs parfums, les pins d'Alep de tamiser, de filtrer la lumière en une impalpable poudre d'or, les exotiques arbustes de palpiter sous ce ciel, comme au ressouvenir des lointains climats, patrie de leurs puissantes essences. La cloche seule s'était tue dans la tour ajourée de la chapelle, et dans ce silence de la campagne heureuse, les voix du regret et du désespoir grondaient toujours plus violentes au fond du cœur de la mer, et la voix de la révolte aussi et de la haine. Une fois de plus, les impressions trop pénibles que lui infligeait le contraste entre cette fête de la vie épanouie autour d'elle et son irréparable deuil se ramassaient dans cet étrange sentiment d'une irrésistible antipathie contre le bonheur de ses beaux enfants. C'était dans les profondeurs de son être intime le soulèvement d'une colère envieuse qui lui faisait honte sans qu'elle pût s'en rendre maîtresse. Oui, elle enviait à ce demi-frère et à cette demi-sœur de son André tout ce printemps que son cher petit mort ne pouvait plus respirer, tout cet avenir illimité que leur adolescence avait devant soi. Elle s'étonnait elle-même de leur en vouloir avec cette frénésie d'aversion, et sans qu'elle en pût donner d'autres motifs, sinon qu'à la seule idée de leur visage, elle se sentait des entrailles de marâtre, et contre ces fruits du premier lit, une instinctive, une furieuse horreur dont elle ne se croyait pas capable. Certes, c'était bien injuste. Mais y a-t-il une justice en ce monde? Non. Les deux enfants ne méritaient pas que la seconde femme de leur père, celle à qui l'absent les avait confiés, les enveloppa l'un et l'autre dans cet inique ressentiment. Mais elle-même, avait-elle mérité que son ange lui fût ravi de cette soudaine et terrible manière? Cette femme, qui avait été pieuse et douce, indulgente et dévouée, qui l'était encore, dans ses actions, par la force acquise de ses premières vertus, subissait cette dépravation de la douleur trop constamment aiguë et trop intense. Un démon de méchanceté, de férocité presque, s'agitait en elle, qui lui arracha soudain, devant ce paysage où tout était harmonie, apaisement, beauté, cette phrase monstrueuse qu'elle cria tout haut, à qui? À la nature? À Dieu? Au printemps? Ah, si seulement l'un d'eux était mort aussi! Elle s'entendit prononcer ces mots où s'exhalait la frénésie de sa souffrance, avec une sorte de stupeur, qui la fit se relever du banc de pierre où elle s'était assise. Elle passa les mains sur ses yeux, comme pour exorciser la tentation de cet abominable souhait, et elle recommença de marcher à travers le bois, d'un pas rapide maintenant, comme si elle eût voulu fuir le trop lumineux paysage, fuir la vue du chemin par où devaient revenir ses beaux enfants, fuir ses pensées, se fuir elle-même. Elle allait, choisissant dans cet immense parc à demi sauvage, les sentiers étroits, presque impraticables, où les ramures séchées accrochaient sa robe, où les pommes de pin craquaient et glissaient sous son pas, où ses mains écartaient sans cesse quelque arbuste épineux, quelques branches trop hautes de bruyère. Et en même temps qu'elle marchait de la sorte, meurtrissant, avec un sauvage délire, ses pieds aux aspérités du chemin, ses doigts aux rudesses des feuillages, sa pensée allait, allait elle aussi. Le violent sursaut de haine qu'elle venait de subir à nouveau contre ses beaux enfants s'était apaisé. Mais il lui en restait au cœur une lassitude plus grande, et ce fond d'invincible répulsion qu'elle s'avouait à présent, qu'elle jugeait presque légitime, comme la représaille permise de son malheur. Elle marchait, et une résolution se précisait en elle, qui l'avait hantée souvent, jamais avec cette netteté hypnotisante. À quoi bon continuer, vis-à-vis de ces deux êtres, dont la seule présence lui était un supplice, cette corvée, cette comédie plutôt, d'une maternité menteuse? Pourquoi ne pas se débarrasser de l'un et de l'autre, en les traitant comme après tout tant de vrais parents traitent leurs vrais fils et leurs vraies filles? Au lieu de les garder, ainsi qu'elle faisait à la maison, pourquoi ne pas les envoyer, lui au collège, elle au couvent, afin de rester seule avec son enfant mort, sans plus jamais entendre autour d'elle ses voix, ses rires, ses jeux, ses mouvements, qui insultaient à sa souffrance? Il ne serait pas heureux. Guy, qu'elle savait si sensible, Alice, qu'elle connaissait si délicate, dans la promiscuité d'un internat. Combien d'autres petits garçons et d'autres petites filles de leur âge subissaient, à cette même minute, cet exil hors de la famille et qui n'en grandissait pas moins? Et puis, s'il n'était pas heureux, ce ne serait que juste. Élisabeth savait aussi qu'à son lit de mort, leur mère avait supplié leur père de renoncer à sa carrière, pour ne plus les quitter, de les aimer pour deux, puisqu'il n'allait plus avoir que lui. Avec quelle pitié la jeune belle-mère avait autrefois accepté ce testament, et comme elle avait traduit ce suprême vœu, puisqu'il continue de servir, c'est moi qui jamais ne les quitterai, moi qui serai toujours là pour être ce qu'elle aurait été. Les renvoyer, ces orphelins du foyer paternel, était-ce obéir au désir sacré de la morte, de celle dont elle avait pris la place et qu'elle avait juré, qu'elle s'était juré de remplacer? La conscience d'Élisabeth lui répondait bien que non. Mais la marâtre, une fois éveillée, ne s'endort pas si vite. Détour étrange d'une sensibilité trop malade, la vivante éprouvait pour cette morte, dont les enfants vivaient tandis que le sien n'était plus, cette âcre jalousie rétrospective qui corrompt de son poison tant de second mariage et fait des meilleures créatures quelquefois les plus implacables, les plus inconscients des bourreaux. Précisément parce que cet internat au collège et au couvent avait dû être un des cauchemars de la mourante, la belle-mère y goûtait un obscur attrait de vengeance. Et elle sentait aussi que ce n'était là qu'un commencement, un premier pas sur une route de cruauté où elle ne s'arrêterait plus. Le père reviendrait. Que lui dirait-elle? Ici, la tentation se faisait plus coupable encore. La belle-mère était le seul témoin que les enfants eussent auprès du mari absent. Il était si aisé d'écrire à cet homme qu'elle n'avait pu continuer de les garder à cause de tel ou tel défaut. Elle n'aurait même pas besoin de mentir. Le petit garçon était naturellement colère, la petite fille naturellement répondeuse. Jusqu'ici, Élisabeth s'était toujours mise, comme eût fait la mère, entre les fautes des orphelins et les sévérités de l'officier. Qu'elle agît autrement, n'était-ce pas son droit? Et l'envoi au collège et au couvent paraissait si simple, si utile, si indispensable. Elle aurait touché à la tendresse que le père portait aux orphelins, que cela ressemblait peu à ses résolutions passées. Pourquoi pas, si elle devait moins souffrir ?